Que je dois te rencontrer, c'est écrit dans le ciel. Et que je dois t'adorer, c'est écrit dans le ciel. Que je vivrai que pour toi, c'est écrit dans le ciel. Et que tu peux croire en moi, c'est écrit dans le ciel. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, dans le ciel. Je t'offrirai des bijoux, c'est écrit dans le ciel. Je les prendrai n'importe où, c'est écrit dans le ciel. Tu auras la télévision, c'est écrit dans le ciel. Et le manteau de vision, c'est écrit dans le ciel. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, dans le ciel. Nous vivrons jusqu'à 100 ans, c'est écrit dans le ciel. Nous aurons beaucoup d'enfants, c'est écrit dans le ciel. 4 filles et 3 garçons, c'est écrit dans le ciel. C'est la fin de la chanson, c'est écrit dans le ciel. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, dans le ciel. Si cette chanson vous va, c'est écrit dans le ciel. Chantez-la tous avec moi, c'est écrit dans le ciel. Dites-la pianissimo, c'est écrit dans le ciel. Et maintenant fortissimo, c'est écrit dans le ciel. C'est écrit dans